FSI, French Revised, Unit 4, Tape 4. Practice Drill A1. Tutor. Nos valises sont à l'hôtel. Student. Notre valise est à l'hôtel. Vos valises sont blanches. Votre valise est blanche. Mes valises sont à la gare. Ma valise est à la gare. Ses valises sont vertes. Sa valise est verte. Leurs valises sont chères. Leur valise est chère. Nos enfants sont en vacances. Notre enfant est en vacances. Vos amis sont ici. Votre ami est ici. Ses amis sont français. Son ami est français. Leurs amis sont à l'hôtel. Leur ami est à l'hôtel. Practice Drill A2. Tutor. Vous avez votre billet? Student. Oui, j'ai mon billet. Vous avez vos livres? Oui, j'ai mes livres. Vous avez votre fiche? Oui, j'ai ma fiche. Vous avez place? Oui, j'ai ma place. Vous avez vos valises? Oui, j'ai mes valises. Vous avez votre ticket de quai? Oui, j'ai mon ticket de quai. Vous avez votre livre? Oui, j'ai mon livre. Vous avez vos bagages? Oui, j'ai mes bagages. Practice Drill A3. Tutor. C'est la valise de votre sœur? Student. Oui, c'est sa valise. C'est le frère de Janine? Oui, c'est son frère. C'est la place de votre ami? Oui, c'est sa place. C'est le bureau du gérant? Oui, c'est son bureau. C'est la sœur de Janine? Oui, c'est sa sœur. C'est le manteau de Janine? Oui, c'est son manteau. C'est la chambre de votre frère? Oui, c'est sa chambre. C'est le livre de votre sœur? Oui, c'est son livre. Practice Drill A4. Tutor. Les parents de Janine sont ici. Student. Ses parents sont ici. La mère de Janine est à Paris. Sa mère est à Paris. Le père de Janine est au bureau. Son père est au bureau. Les sœurs de Janine sont en vacances. Ses sœurs sont en vacances. La fille de mes amis est en vacances. Leur fille est en vacances. Les fils de mes amis sont en vacances. Leurs fils sont en vacances. L'ami de mes fils est ici. Leur ami est ici. L'ami de mes filles est ici. Leur ami est ici. Les amis de ma fille sont ici. Ses amis sont ici. Les amis de mon fils sont à Paris. Ses amis sont à Paris. L'ami de Janine est ici. Son ami est ici. L'ami de mon frère est à Lille. Son ami est à Lille. La chambre de mon père est au premier étage. Sa chambre est au premier étage. La chambre de ma sœur est à gauche. Sa chambre est à gauche. La chambre de mon ami est à gauche. Sa chambre est à gauche. Les amis de Monsieur et Madame Leland arrivent. Leurs amis arrivent. Les enfants de Monsieur et Madame Leland arrivent. Leurs enfants arrivent. Les chambres de mes frères sont au premier étage. Leurs chambres sont au premier étage. Practice drill A5. J'ai la chambre 6, c'est ma chambre. J'ai la chambre 6, c'est ma chambre. Il a la chambre 6. Il a la chambre 6, c'est sa chambre. Nous avons la chambre 6. Nous avons la chambre 6, c'est notre chambre. Ils ont la chambre 6. Ils ont la chambre 6, c'est leur chambre. Elle a la chambre 6. Elle a la chambre 6, c'est sa chambre. Il a la chambre 6. Il a la chambre 6, c'est sa chambre. Elles ont la chambre 6. Elles ont la chambre 6, c'est leur chambre. Vous avez la chambre 6. Vous avez la chambre 6, c'est votre chambre. Practice drill A6. Tutor. Votre chambre et ma chambre sont petites. Student. Nos chambres sont petites. Les valises de mon ami sont à l'enregistrement. Ces valises sont à l'enregistrement. Ma valise et la valise de mon ami sont à l'enregistrement. Nos valises sont à l'enregistrement. Votre valise et la valise de votre ami sont à l'enregistrement. Vos valises sont à l'enregistrement. Votre valise et la valise de votre ami sont ici. Vos valises sont ici. Le taxi de votre ami est ici. Son taxi est ici. Les bagages de mes parents arrivent ce soir. Leurs bagages arrivent ce soir. La chambre de mon frère et ma chambre sont au premier étage. Nos chambres sont au premier étage. La valise de votre ami est dans le compartiment à côté. Sa valise est dans le compartiment à côté. Les bagages de mes parents arrivent ce soir. Leurs bagages arrivent ce soir. La chambre de mon frère et ma chambre sont au premier étage. Nos chambres sont au premier étage. Practice drill A7. Tutor. J'ai les billets de vos amis. Student. Vous avez leurs billets? J'ai le billet de votre ami. Vous avez son billet? J'ai votre billet. Vous avez mon billet? J'ai mon billet. Vous avez votre billet? J'ai la fiche de vos amis. Vous avez leur fiche? J'ai les fiches de votre ami. Vous avez ses fiches? J'ai votre billet et le billet de votre ami. Vous avez nos billets? J'ai mon billet et le billet de mon ami. Vous avez vos billets? J'ai ma valise. Vous avez votre valise? J'ai la valise de votre sœur. Vous avez sa valise? Practice drill A8. Je n'ai pas mes bagages. Je n'ai pas mes bagages. Il n'a pas. Il n'a pas ses bagages. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas nos bagages. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas vos bagages. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas leurs bagages. Elle n'a pas. Elle n'a pas ses bagages. Je n'ai pas. Je n'ai pas mes bagages. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas leurs bagages. Practice drill A9. Tutor. Votre fille est ici? Student. Oui, ma fille est ici. Vous avez vos bagages? Oui, j'ai mes bagages. Ils ont leurs bagages? Oui, ils ont leurs bagages. Ma valise est au premier étage? Oui, votre valise est au premier étage. Vous avez le billet de votre ami? Oui, j'ai son billet. C'est la chambre de votre ami? Oui, c'est sa chambre. Votre ami a-t-il votre billet? Oui, il a mon billet. Janine a-t-elle la valise des enfants? Oui, elle a leur valise. A-t-on les billets des enfants? Oui, on a leurs billets. Vous avez votre livre? Oui, j'ai mon livre. Vous avez mes livres? Oui, j'ai vos livres. Practice drill B1. Nos valises sont ici. Nos valises sont ici. Et là-bas. Notre valise est là-bas. Vos amis. Vos amis sont là-bas. Est en retard. Votre ami est en retard. Mes frères. Mes frères sont en retard. Est en vacances. Mon frère est en vacances. Leurs enfants. Leurs enfants sont en vacances. Et là-bas. Leur enfant est là-bas. Vos sœurs. Vos sœurs sont là-bas. Est ici. Votre sœur est ici. Nos valises. Nos valises sont ici. Grammar 2. Du, de la, etc. Learning drills. Learning drill 1. Voulez-vous du beurre? Voulez-vous du beurre? Du lait? Voulez-vous du lait? Du pain? Voulez-vous du pain? Du café? Voulez-vous du café? Du sucre? Voulez-vous du sucre? Du fromage? Voulez-vous du fromage? Du beurre? Voulez-vous du beurre? Learning drill 2. Avez-vous de la viande? Avez-vous de la viande? De la salade? Avez-vous de la salade? De la crème? Avez-vous de la crème? De la monnaie? Avez-vous de la monnaie? De l'aspirine? Avez-vous de l'aspirine? De la viande? Avez-vous de la viande? Learning drill 3. Ils sont près du bureau. Ils sont près du bureau. Du restaurant. Ils sont près du restaurant. Du café. Ils sont près du café. Du magasin. Ils sont près du magasin. Du guichet. Ils sont près du guichet. Du wagon. Ils sont près du wagon. Du bureau. Ils sont près du bureau. Learning drill 4. C'est à côté de la boulangerie. C'est à côté de la boulangerie. De la pâtisserie. C'est à côté de la pâtisserie. De la boucherie. C'est à côté de la boucherie. De la gare. C'est à côté de la gare. De la valise. C'est à côté de la valise. De la bijouterie. C'est à côté de la bijouterie. De la pharmacie. C'est à côté de la pharmacie. De l'épicerie. C'est à côté de l'épicerie. De l'hôtel. C'est à côté de l'hôtel. De la boulangerie. C'est à côté de la boulangerie. Learning drill 5. C'est le frère du boucher. C'est le frère du boucher. Du boulanger. C'est le frère du boulanger. Du pâtissier. C'est le frère du pâtissier. Du bijoutier. C'est le frère du bijoutier. Du pharmacien. C'est le frère du pharmacien. Du gérant. C'est le frère du gérant. Du boucher. C'est le frère du boucher. Learning drill 6. Est-ce que vous avez des bagages? Est-ce que vous avez des bagages? Des livres? Est-ce que vous avez des livres? Des places? Est-ce que vous avez des places? Des couchettes? Est-ce que vous avez des couchettes? Des billets? Est-ce que vous avez des billets? Des vacances? Est-ce que vous avez des vacances? Des bagages? Est-ce que vous avez des bagages? Learning drill 7. Je voudrais du café. Je voudrais du café. De la viande. Je voudrais de la viande. Des vacances. Je voudrais des vacances. De l'aspirine. Je voudrais de l'aspirine. De la monnaie. Je voudrais de la monnaie. Des œufs. Je voudrais des œufs. De la crème. Je voudrais de la crème. Des gâteaux. Je voudrais des gâteaux. Du pain. Je voudrais du pain. De l'aspirine. Je voudrais de l'aspirine. Du fromage. Je voudrais du fromage. Des bijoux. Je voudrais des bijoux. De la salade. Je voudrais de la salade. Practice drills. Practice drill A1. Avez-vous de la viande? Avez-vous de la viande? Pain. Avez-vous du pain? Salade. Avez-vous de la salade? Café. Avez-vous du café? Beurre. Avez-vous du beurre? Crème. Avez-vous de la crème? Fromage. Avez-vous du fromage? Sucre. Avez-vous du sucre? Practice drill A2. Avez-vous des gâteaux? Avez-vous des gâteaux? Lait. Avez-vous du lait? Salade. Avez-vous de la salade? Aspirine. Avez-vous de l'aspirine? Fromage. Avez-vous du fromage? Vacances. Avez-vous des vacances? Pain. Avez-vous du pain? Viande. Avez-vous de la viande? Nouvelles. Avez-vous des nouvelles? Sucre. Avez-vous du sucre? Aspirine. Avez-vous de l'aspirine? Billets. Avez-vous des billets? Crème. Avez-vous de la crème? Practice drill A3. C'est près du café. C'est près du café. Boucherie. C'est près de la boucherie. Blanchisserie. C'est près de la blanchisserie. Hôtel. C'est près de l'hôtel. Gare. C'est près de la gare. Pharmacie. C'est près de la pharmacie. Guichet. C'est près du guichet. Wagon-lit. C'est près du wagon-lit. Boulangerie. C'est près de la boulangerie. Restaurant. C'est près du restaurant. Épicerie. C'est près de l'épicerie. Magasin. C'est près du magasin. Pâtisserie. C'est près de la pâtisserie. This is the end of tape 4, unit 4.